elle court, la Veurtencourt du bois de Compiègne. Elle court, la Veurtencourt, ça s'ambiance fin de règne. Elle est passée par Neuilly, elle est passée par le roi, mais il y a Philippe Courroy qui en fait des confettis. Elle court, la Veurtencourt du bois de Compiègne. Elle court, la Veurtencourt, ça sent l'ambiance fin de règne. Elle repasse par Nicolas, la Veurtencourt de Neuilly. L'intouchable Sarkozy la refile à ses amis. Elle court, la Veurtencourt du bois de Compiègne. Elle court, la Veurtencourt, ça sent l'ambiance fin de règne. L'argent reste bien caché, la Veurtencourt est passée. Faut penser à renflouer au bon peuple de payer. Elle court, la Veurtencourt, la Veurtencourt, ça sent l'ambiance fin de règne.